France Inter. Frédéric Sigrist, 6h56, c'est Blockbuster. Et ce matin, vous avez une très lourde tâche, mon cher ami. Convaincre les auditeurs, pas moi, mais en tout cas les auditeurs de France Inter, d'aller voir John Wick 4. Eh ben, c'est très simple, Laetitia. Je relève le défi. John Wick, voyez-vous, c'est l'histoire d'un retraité obligé de reprendre le travail et qui va devoir tuer des milliers de personnes sur 4 films pour enfin avoir le droit de se reposer. Si ça, c'est pas un sujet d'actualité, John Wick, il se fait tirer dessus, tabasser, jeter dans les escaliers, il se fait renverser par des voitures. On est sur une thématique de pénibilité du travail, clairement. Hein. Quand on sait qu'en plus, ce numéro 4 se passe à Paris et contient deux scènes d'anthologie, une course-poursuite autour de l'Arc de Triomphe chorégraphiée par Pierre Palmade et une ascension des 222 marches qui mènent au Sacré-Cœur où John Wick, incarné par Keanu Reeves, doit affronter des hordes d'assassins, on aurait dit Olivier Dussopt sur un marché un lendemain de 49-3. C'est grandiose. Alors, bien sûr, je le rappelle, c'est un Paris fantasmé. Hein, ça tire dans tous les sens, il y a des morts partout en pleine rue, à la vue de tous, mais comme par hasard, aucun rat. On sent qu'on est au cinéma. Hein. Et la franchise John Wick a quand même la réputation d'être extrêmement violente. Hein. Ah, ça c'est sûr. Si vous êtes du genre à fermer les yeux au cinéma quand un personnage se tape le genou contre un pied de table, n'allez surtout pas voir John Wick. John Wick est à l'être humain ce que la perforose est au papier. Il fait des trous partout où il ne devrait pas y en avoir. Dans le monde de John Wick, t'as plus de chances de mourir d'une balle dans la tête que de mourir du Covid. Ça fait pas semblant. Hein. Alors, je rappelle qu'il a des raisons d'être énervé, Keanu Reeves, car il avait pris sa retraite, il s'était marié, il faisait des vidéos pépouzes avec son iPhone sur la plage, son épouse meurt de maladie, avant de mourir tout de même, elle lui offre un chiot, histoire qu'il s'occupe. Eh ben, il y a des cambrioleurs qui viennent lui piquer sa voiture et qui butent son chien. Bon, bah voilà, c'est suffisant pour dessouder l'équivalent de l'Ariège. Ouais, mais c'est quand même léger comme scénario. Oui, Laetitia, mais pourquoi vouloir faire compliqué? Dans l'Iliade, la guerre de Troie, ça a duré 10 ans parce que Paris, il a pécho Hélène, la meuf de Ménélas. C'est pas hyper fouillé et progressiste comme sujet non plus. Et niveau violence, l'Iliade n'a rien à envier à John Wick. Hein. John Wick est une relecture de la mythologie classique sous la forme d'un film d'action qui s'inspire du cinéma de Hong Kong et du jeu vidéo. D'ailleurs, Chad Stahelski, ancien cascadeur et ancienne doublure de Keanu Reeves, devenu réalisateur, traite le personnage de John Wick comme une figure mythologique. John Wick est un croque-mitaine, la Baba Yaga des contes slaves, cette sorcière qui chasse et dévore ses victimes. Et tel Orphée ou Ulysse, John Wick devra retourner aux enfers, sympathiser avec Cerbère, encore un chien, on aime bien les chiens dans ce film, et payer son dû à Charon, le passeur. Ce monde, miroir du nôtre, mais pas tout à fait, où tous les services publics sont tenus par des organisations d'assassins, un monde rempli de sociétés secrètes pétries de règles absurdes et de dettes de sang, un monde où la Camorra, la mafia italienne, peut privatiser le Colisée pour une rave party, comme ça. La mafia française peut privatiser le Louvre ou la Tour Eiffel, ça gêne personne. Un monde où les sans-abri sont tous des assassins potentiels. Un monde où le danger peut venir de n'importe où. Tiens, comme dans un autre film, Matrix. Et d'ailleurs, John Wick pourrait être un scénario de la Matrice auquel Neo joue de temps en temps pour se détendre et avoir enfin un sentiment de contrôle. Mais surtout, John Wick, c'est une lettre d'amour aux cascadeurs. À ce cinéma d'action où on répète pendant 6 mois ou 1 an pour son film, où on est obligé de penser son plan et son montage. Un cinéma de l'excellence, le cinéma d'un John Woo, Buster Keaton, Gareth Evans, d'un Donnie Yen, d'un Jackie Chan, Choi Hark ou Sammo Hung. Dire que le cinéma d'action est stupide sous prétexte qu'on y tue plein de gens, c'est résumer le lac des signes. Oh bah le lac des cygnes, c'est des mecs et des femmes qui lèvent la jambe. C'est passer à côté de l'essentiel, Laetitia, la beauté d'un corps en mouvement. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci Frédéric Sigrist. On vous retrouve, vous serez breton le 1er avril, paraît-il, puisqu'on vous retrouvera sur scène au Centre culturel de l'Athéna à Erguet-Gabric, dans le Finistère, pour votre spectacle Super-Héros. Tout à fait.